Bien-aimés, je vous dis bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais partager avec vous une petite exhortation. C'est très très important ce que je vais dire. Parce que, comme vous pouvez le constater, beaucoup d'enfants de Dieu en ce moment sont attaqués parce que le diable est en train d'attaquer, que ce soit par des maladies, des épreuves de toutes sortes. Certaines personnes sont éprouvées, que ce soit au niveau du travail, au niveau de leur santé, que ce soit dans leur famille, dans leur couple, dans leur recherche d'emploi. Donc, des attaques fusent de partout. Bien aimé, je vais lire le livre d'Éphésiens au chapitre 5, au verset 15. La Bible dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés, le monde de demain sera pire que le monde d'aujourd'hui. Parce que la Bible déclare que le monde va à la perdition. Le monde de demain va être pire que le monde d'aujourd'hui. Satan sait que Jésus-Christ vient bientôt. Il a déjà vraiment envoyé sa corde des démons pour torturer les gens et pour cibler en particulier les enfants de Dieu. Je vais lire Apocalypse au chapitre 12, au verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On nous annonce que le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère. Pas pour danser, pas pour chanter, pas joyeux, mais animé d'une grande colère. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Toi qui traînes les pieds, toi qui ne lis pas ta Bible, Satan lui sait qu'il a très peu de temps. Toi tu crois que tu as encore beaucoup de temps, mais le diable lui sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il le sait, c'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi tu es attaqué. C'est pourquoi tu connais les épreuves. Et dans Apocalypse 12, il est bien dit qu'il vient faire la guerre à toute personne qui garde les commandements de Dieu et à toute personne qui a le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 12. Il sait qu'il a très peu de temps. Vous comprenez? Le monde de demain sera pire, bien aimé. Les épreuves, on n'a même pas encore vu. Mais Jésus-Christ est là, Jésus est notre bouclier. Qui va tenir? Parce que Jésus dit, quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi sur terre? Est-ce que je trouverai la foi? Je trouverai combien qui sont encore dans la foi? Mais pourquoi le Seigneur pose cette question? Parce que le diable est descendu sur terre, animé d'une colère, sachant qu'il a peu de temps. Il vient pour attaquer. Il vient pour détruire. Il vient pour égorger. Il vient pour voler. Vous avez compris? Bien-aimés, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je t'informe, mon frère, ma soeur, que ta foi ne sera jamais grande si ta Bible est tout le temps fermée. La foi vient de la parole de Dieu. Satan fera tout pour que tu ne lises pas la Bible. Parce que Satan a peur des personnes qui ont une grande foi. Satan ne fait pas que ta foi grandisse. Parce qu'un chrétien qui n'a pas une grande foi, le diable te crache à la figure. Il n'a pas peur de toi. Vous connaissez dans Actes des Apôtres, un païen voulait chasser les démons qui se manifestaient d'un corps. Les démons ont dit, Jésus on le connaît, Paul on le connaît, vous êtes qui? Mais si les démons avaient dit, on connaît Jésus, on allait dire, ok, c'est normal, Jésus est le Fils de Dieu. Mais les démons ont dit, on connaît Paul. Paul, c'est un homme comme nous, sauvés par grâce. Mais pourquoi les démons pouvaient dire on connaît Paul? Parce que Paul leur tenait tête. Parce que Paul était un homme qui avait une grande foi. Jusqu'à quand tu vas tenir, bien-aimé? Est-ce que tu vas jeter l'éponge? Satan t'empêche de lire la parole de Dieu. Ta foi ne grandira jamais si tu ne lis pas la Bible. La nourriture que tu achètes dans les supermarchés, quand tu vas faire des courses, le pain, le manioc et autres, c'est pour nourrir ton corps. Mais la parole de Dieu nourrit ton esprit. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Le diable ne veut pas que tu lises la Bible parce que ta foi risque de grandir. Puisque la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Un chrétien qui ne lit pas la Bible ne pourra jamais avoir une grande foi. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Tu n'auras pas une grande foi, même si tu as 10 ans, 15 ans en Christ. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, ta foi ne peut pas grandir. Satan le sait, Satan le sait. C'est pourquoi il ne veut pas que tu lises la Bible. Il le sait. Il y avait un géant qui menaçait les enfants de Dieu. Un géant, on l'appelle Goliath. La Bible dit, quand Israël était en face des Philistins, qui sont ici des démons, quand Goliath apparaissait, le peuple d'Israël fuyait. C'était les enfants de Dieu. Ils savaient qu'ils avaient Dieu. Ils savaient que Dieu était leur bouclier. Que Dieu était leur protecteur. Mais quand Goliath apparaissait, ils prenaient la fuite. D'accord. Mais David a dit devant Goliath, Dieu qui m'a délivré de l'ours, Dieu qui m'a délivré quand le lion m'avait attaqué, il me délivrera de toi. David a tenu tête à Goliath parce qu'il avait une grande foi. Il avait une grande foi, c'est pourquoi il n'a pas tremblé. C'est pourquoi il a tenu tête. Satan craint des enfants, des fils et des filles de Jésus qui ont une grande foi. Le diable ne veut pas que ta foi grandisse. C'est pourquoi il ne veut pas que tu lises la Bible. On ne peut pas avoir une grande foi quand on ne lit pas la parole. La foi grandit par la parole de Dieu. Vous courez partout pour les miracles. Au lieu de chercher à avoir une grande foi. Quand on a une grande foi, on n'a même plus besoin de dire, bien-aimé, prie pour que j'aie la guérison. Tu n'as pas besoin. Quel que soit le Goliath qui se manifeste devant toi, tu vas lui tenir tête par la foi. Tu vas lui tenir tête. La Bible nous parle d'une femme qui souffrait d'une perte de sang. La Bible dit que Jésus avait donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons et de guérir les malades. Ils avaient ce pouvoir. Mais cette femme a dit, moi je n'irai pas voir les Jacques, les Paul et machin. Moi je traite avec Jésus, j'ai la foi. Elle est allée direct par la foi vers Jésus. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé, ta foi. Elle avait une grande foi. Elle n'est pas allée voir Jean. Oh Jean, Matthieu, pardon, vous pouvez prier pour moi. Oh Luc, apôtre Luc, pardon, vous pouvez prier pour moi. Mais c'est ça avec Jésus. Quand tu as une grande foi, tu n'as plus besoin d'aller voir papa, pasteur, pour qu'il prie pour toi. C'est pourquoi tous les enfants d'Israël avaient peur de Goliath. Ils étaient le peuple de Dieu. Comme toi, tu fais partie du peuple de Dieu. Mais c'était le peuple de Dieu. Mais ils pleurnichaient devant Goliath. Oh, il est costaud. Oh, qui peut se mesurer à lui? Alors, c'est insupportable. Bien aimé, priez pour moi. Je suis éprouvé. Oh frère, j'ai trop de problèmes. Priez pour moi. Il fuyait. Il craignait le problème. Il tremblait devant la situation. Mais David est venu. David n'a pas dit, frère, je vais combattre Goliath. Venez me soutenir. Bien aimé, venez me soutenir. Je me mets devant pour le combattre. Soutenez-moi derrière. Tous les enfants d'Israël ont fui quand Goliath est arrivé. C'est ce que la Bible dit. Ils ont fui. David est resté seul. Il a dit, toi, je vais te couper le cou. L'Éternel, je le connais, m'a délivré quand l'ours m'avait attaqué. Le même Dieu m'a délivré quand le lion m'avait attaqué. Toi là, je te mettrai à terre parce que ce Dieu-là, je crois en lui. Et Goliath est tombé par terre. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il vient s'acharner sur nous. C'est pourquoi les familles sont divisées. Il vient pour diviser. C'est pourquoi il y a des crimes. Il vient pour tuer. Il vient pour égorger. Il est en colère. En colère parce qu'il va en enfer. Satan est en colère parce qu'il va en enfer. Et il veut tout faire pour t'amener avec lui. Le diable tremble devant les personnes qui ont une grande foi. Satan tremble. Quand il voit la foi, il tremble. C'est pourquoi il t'amène à fermer ta Bible. Tu ne lis pas la Bible chez toi. Ta foi risque de grandir. Ta foi risque de grandir. Même le faux serviteur de Dieu ne pourra pas te manipuler dans la farine parce que tu connais la parole. Tu connais la Bible. Quand le faux homme de Dieu va te dire, bois ce taux-là, c'est l'eau de Siloé, tu vas lui dire, la Bible ne le dit pas. Quand le faux prophète va te dire, bois ce tulle-là, tu vas dire, c'est pas biblique. Quand il va te dire, madame, déshabille-toi, il faut que je te fasse un bain, tu vas dire, c'est pas biblique. Parce que tu connais la parole. Satan a des problèmes devant les personnes qui ont une grande foi. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est pourquoi le diable te donne la lourdeur pour que tu ne lises pas ta Bible. Parce que Satan ne veut pas que ta foi grandisse. Il risque de trembler devant toi. Il risque de trembler. C'est pourquoi il a dit, on connaît Jésus, on connaît Paul. Parce que pourquoi Paul? Parce que Paul sait les dominer. Parce que quand tu vois Paul, il tombe par terre. Parce que Paul a une grande foi. C'est pourquoi Goliath est étonné. Tous les enfants d'Israël ont peur de moi. Ce jeune homme-là, c'est comment? Il se prend pour qui, ce gamin-là? Il se prend pour qui? Pourquoi il n'a pas peur de moi comme les autres? Non, David, il croit en son Dieu. Dieu m'a déjà délivré, l'ours m'avait attaqué un jour. Mais ce Dieu-là, je l'ai invoqué, il ne change pas. Un autre jour, le lion était sauté sur moi, le même Dieu m'a délivré. Goliath, qui que tu sois, quels que soient tes muscles, quelle que soit ta rage, tu ne peux pas, je sais en qui je crois. Une foi grande ne tremble pas devant les épreuves. Quand on pleurniche, on a une petite foi. Quand tu dis, frère, prie pour moi, tu as une petite foi. La femme qui souffrait d'une perte de sang, qui a prié pour elle? Est-ce qu'elle est allée voir les disciples? Priez pour moi. Si ça ne marche pas, je m'en vais voir Jésus. Non, il a dit, les disciples avaient le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Jésus leur avait donné le pouvoir. Mais il dit, non, moi je ne passe pas par le pasteur, le bishop, l'évangéliste. Je ne passe pas. Jésus, c'est entre moi et toi. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Personne ne l'a imposé, les mêmes personnes. Satan ne veut pas que nos foies grandissent. C'est pourquoi il ne veut pas qu'on lise la Bible. Parce que nos foies risquent de grandir. Et si on se retrouve puissamment avec des grandes foies, le diable n'a plus de poids. Il va trembler. C'est pourquoi il fait tout pour que tu ne lises pas ta Bible. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, au verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La Bible ne dit pas les jours sont bons. La Bible dit les jours sont mauvais. Les jours qui arrivent là sont mauvais. Le monde d'aujourd'hui est meilleur que le monde de demain. Parce que le monde va à la destruction. Celui qui vous dit que le monde de demain sera meilleur, c'est un menteur. Parce que le monde va à la perdition. C'est ce que la Bible dit. À la perdition. Le monde ne va pas s'améliorer. Qu'on ne vous trompe pas. Le monde va à la perdition. Et qu'est-ce qu'en Jésus, évangile de Jean, au chapitre 14, la prière de Jésus, qu'est-ce que Jésus dit à son Père? Père, je ne prie pas pour le monde. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Le monde va à la perdition. Jésus n'a pas prié pour le monde. Des gens qui font des prières pour un monde meilleur, vous perdez votre temps. Le monde de demain ne sera pas meilleur. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour eux. Et nous savons que la prière de Jésus a été exaucée par son Père. Jésus n'a pas prié pour le monde. L'évangile de Jean, au chapitre 14, allez lire la prière de Jésus. Je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Le monde est livré au diable. Jésus n'a pas prié pour le monde. C'est pourquoi le monde va à la perdition. Le monde de demain ne sera pas meilleur. Vous-même, vous remarquez, si on recule derrière 50 ans en arrière, on pouvait te tuer quand on savait que tu étais homosexuel. On pouvait te tuer 50 ans en arrière. C'était un crime. Or, tout est légalisé aujourd'hui. Tout est légalisé. C'est-à-dire, on va dans un monde de pourriture. Hier, j'ai suivi une vidéo, une blanche qui se marie avec son chien. Une blanche. Nous avons des mariages homosexuels célébrés jusqu'à dans les églises. Le monde de demain sera pourri. Le monde ne sera pas meilleur, celui de demain. Plus on avance, plus on rentre dans la perversion. La perversion totale, l'abomination aux yeux de Dieu. Mais comme le diable est descendu sur terre, animé d'une colère, comme la Bible dit dans Apocalypse 12, il va s'acharner sur les humains. Il ne va pas s'acharner sur les arbres ou sur les poissons de la mer, mais sur les hommes, animés d'une colère. C'est pourquoi les enfants de Dieu sont confrontés à des épreuves. Mon frère, demain tu ne connais pas l'épreuve que l'ennemi prépare contre toi. Est-ce que tu vas tenir là où tu ne lis pas ta Bible là? Parce qu'en lisant la Bible, tu vas faire grandir ta foi. Et là, tu seras tout rein, peu importe l'épreuve. L'apôtre Paul a été confronté à toutes sortes d'épreuves. Il a tenu tête au diable parce que sa foi était grande. Ta foi ne grandira pas si tu ne lis pas la Bible. Comprends-le. Et quand Goliath va se manifester devant toi demain, Goliath, c'est une épreuve. Tu vas tomber. Tu ne pourras pas tenir. Parce que ta foi n'est pas grande. C'est pourquoi le diable ne veut pas que vous lisez la Bible. C'est important de lire sa Bible. Vous avez des chrétiens qui touchent la Bible que dimanche. Même si tu es 30 ans en Christ, ta foi ne sera jamais grande tant qu'on ne lit pas la Bible. Il n'y a pas de magie. La foi vient de la parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi nous devons manger la parole de Dieu. Quand tu manges la nourriture, là, c'est pour nourrir ton corps. Mais il faut que tu saches que ton esprit ne se nourrit pas du pain, de la baguette de pain. C'est la parole de Dieu qui est la nourriture de ton esprit. Ton esprit, pour le nourrir, pour qu'il soit fort, solide, il a besoin de la parole de Dieu. C'est son alliance, ce sont ses aliments, la parole de Dieu. Le corps a besoin du manioc, de la banane que tu achètes au marché. Ton esprit mange la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Beaucoup ont un esprit maigre, maigre, parce que l'esprit n'est pas nourri. Ton esprit, tu ne la nourris pas. C'est pourquoi ta foi n'est pas élevée. Moindre petit bobo, tu cours quelqu'un, tu cherches des gens pour prier pour toi. La femme qui souffrait d'une perte de sang, qui a prié pour elle? Sa foi était grande. Elle a compris que ma guérison ne dépend pas des prières des gens. Ma guérison ne dépend pas de l'archibishop, d'aller voir le pasteur, l'évangéliste. Moi-même, j'ai une foi, je traite ça avec Jésus. Et elle a eu le résultat. Quand on a une grande foi, on ne demande pas aux gens de prier pour toi. David, il était face à Goliath, il n'a pas dit, soutenez-moi dans la prière. Soutenez-moi. Il n'a demandé l'aide de personne. Sa foi était sur l'Éternel, son Dieu. La femme qui avait une perte de sang, elle n'est pas allée voir les disciples. Bien-aimés, bonjour, vous pouvez prier pour moi. Elle a dit, même si vous êtes des serviteurs de Dieu, moi je traite ça avec Jésus, lui-même. Tes problèmes, tu peux les traiter avec Jésus directement, sans demander l'aide de qui que ce soit. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus a dit à chacun de nous, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Tous les jours. Jésus est avec toi. Il ne ment pas. Il a dit, je suis avec toi tous les jours. Comme il est avec toi tous les jours, si tu as une grande foi, tu traites ça avec lui. Tu traites ça avec lui. Tu n'as pas besoin de prier, prier, prier. Quand tu as une petite foi, on cherche, priez pour moi, priez pour moi. La femme qui avait une perte de sang, qui a prié pour elle? Elle n'est pas allée voir les disciples. Bien-aimés, comme vous êtes des apôtres, vous êtes à côté de Jésus, soutenez-moi dans la prière. Elle n'a pas dit ça. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, c'est ta foi. Personne n'a prié pour toi, mais c'est ta foi. C'est ça qui te sauve, elle est grande. Jésus ne reste pas insensible quand il voit la foi. Quand il voit la foi, il est obligé d'agir parce qu'il est attiré par la foi. Comme Satan est attiré par le doute, Satan est attiré par l'incrédulité. Quand tu es incrédule, le diable dit, ça c'est mon fils. Quand tu as des doutes, le diable dit, c'est ma fille. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. Les jours de demain seront durs, bien aimé. Les jours de demain, Jésus a dit, ne crains pas, petit troupeau, petit. Parce que beaucoup vont jeter l'éponge. Satan va arrêter beaucoup en cours de route. Beaucoup vont être arrêtés parce qu'ils ne veulent pas avoir des grandes foi. Satan ne veut pas un peuple de Dieu qui a des foi solides, prêtes à la bagarre, prêts au combat. La Bible dit dans Ephésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde des ténèbres. On est en guerre, on est dans la lutte. Mais tu vas aller dans la lutte, est-ce que tu as la foi? Mais pour que les démons puissent t'écraser par des maladies, par des soucis, par des problèmes, ils feront tout pour que ta foi ne grandisse pas. Parce que Goliath a peur des personnes qui ont une grande foi. Quand Goliath apparaissait, les enfants d'Israël fuyaient. David est resté. Parce qu'il avait une grande foi. Satan tremble devant les personnes, les filles et les fils qui ont la grande foi. Satan n'a pas peur des personnes qui ont une petite foi. Oh, pardon, bien-aimé, soutenez-moi dans la prière. Oh frère, ça ne va pas. Toi, ça va. Moi, ça ne va pas. Parce que je ne dors même pas la nuit. Le diable rigole quand il entend ça. Il rigole. Il est content. Il est content. Tu as accepté Jésus, d'accord. Satan dit, ok, tu as accepté Jésus. Je ferai tout pour que ta foi ne grandisse pas. Comme ça, je peux te cracher dessus quand je veux et comme je veux. Et tu seras enfant de Dieu. Mais comme les enfants d'Israël, quand Goliath apparaît, tu prends la fuite. Tu fuis les épreuves. Quand l'épreuve arrive, tu commences à pleurer. Tu ne peux pas tenir devant l'épreuve, devant les difficultés, devant les oppositions, parce que ta foi n'est pas grande. C'est pourquoi tu trembles. Devant un petit problème, tu trembles. Tu cherches les prières de gauche à droite, tu trembles. Oh, mon mari, oh, je ne sais pas, à la maison, ça ne va pas. Oh, depuis hier, j'ai le dos qui fait mal. Oh. Mais Satan te crache dessus. Satan a peur des gens qui ont une grande foi. Parce que quand tu as une grande foi, tu n'auras pas peur de lui. Quand il va donner la petite maladie, tu dis au nom de Jésus, cette maladie retourne sur le diable. Satan a peur. Oh, celui-là, on connaît Paul. Il dit à ses démons, ne vous amusez pas avec Paul. Oh. Paul est mauvais, oh. Celui qui va aller, tu vas confronter Paul, tu vas prendre ça à la gueule. Il va te donner ça à la gueule. N'essayez pas avec lui. Oh. Mais celui-là qui a peur, là, écrasez-le. C'est lui qui tremble. Allez! Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Si ta foi est grande, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Les gens qui ont les petites fois, le diable marche dessus. Il marche dessus. Il ne tremble pas devant ces personnes-là. C'est pourquoi il ne veut pas que tu lises ta Bible. Mais nous devons grandir. La volonté de Dieu est que nous lisons la parole de Dieu pour grandir. Et quand tu auras un petit bobo, tu vas avec Jésus. Tu vas dire à Goliath, tu vas dire à la maladie qui t'attaque. Tu vas dire à la femme de nuit, au mari de nuit. Tu vas l'attaquer par la foi. Et le mari de nuit verra que, oh, la femme-là n'est plus pareille. Oh, oh la femme-là a changé. Oh. Quand je veux m'approcher, sa foi a grandi. Là, maintenant, je ne fais plus le poids devant elle. La femme de nuit, la sirène des eaux, il verra que, oh, le gars là, je couchais avec lui quand je voulais. Mais là, il y a un changement. Sa foi a grandi. Oh. Satan a peur de la foi. Satan a peur. Goliath est tombé par terre parce que David avait la foi en Dieu. La Bible dit que les jours de demain sont mauvais. C'est Ephésiens chapitre 5, au verset 16. Les jours de demain, l'année prochaine, les jours de demain sont mauvais. Le monde de demain est mauvais. Le monde de demain ne sera pas meilleur. Le monde va à la destruction. Le monde va à la perdition. Le monde de demain ne sera pas meilleur. On est en 2019. Il ne faut pas penser que 2020, 2023 sera meilleur. Non, parce que le monde est en train de se pervertir, l'abomination. Gagne tous les pays l'abomination. Les hommes sont en train de légaliser tout ce que Dieu condamne dans sa parole. Le monde, Satan est en train d'entraîner les hommes à légaliser tout. Les hommes vont avec les hommes, les femmes couchent avec les femmes, on couche avec les animaux, on couche avec les enfants. On est en train de tout légaliser. C'est Satan qui fait ça. Satan a pris le volant. Satan a le volant du monde. Le monde, c'est comme une voiture. C'est Satan qui a le volant. Satan a le volant du monde. Il conduit le monde en enfer. Il regarde dans la voiture. Oh là là, les gens sont en train d'aller à Jésus. Il demande à ses démons, il reste combien là? Combien de passagers? Parce que toute personne qui quitte le monde, qui va à Jésus, Satan a perdu cette personne. Donc pendant qu'il conduit le monde pour l'amener à la perdition, c'est-à-dire en enfer, il regarde alors, il y a encore des gens qui acceptent Jésus. Oui, patron, il y a des gens qui acceptent Jésus. Ok, faites tout pour garder les autres prisonniers. Mettez l'incrédulité dans les cœurs. Mettez le doute dans le cœur. Faites en sorte que les gens restent accrochés aux religions. Que les gens ne viennent pas à Jésus, mais qu'ils s'approchent à des religions. Faites tout. Il faut qu'on arrive au but avec un maximum de passagers accrochés dans la religion, dans l'argent, dans les affaires, dans le sexe, dans le crime, dans les guerres, dans toutes sortes d'abominations, dans l'homosexualité, dans la pédophilie. Il a le volant, le diable. Il a le volant du monde. Destination, l'enfer. Et chaque personne qui accepte Jésus sort des passagers. Il a des passagers. Il a les païens dans sa voiture. Il a les païens. Et toute personne qui reçoit Jésus sort de sa voiture. Et le diable demande, il nous reste combien de personnes là? Il demande à ses démons. Bien-aimé, la Bible dit, les jours de demain seront mauvais. Il faut s'approcher à Jésus parce que devant les années à venir, seront mauvais. Les gens vont souffrir. La souffrance, les guerres, les bruits de guerre, les maladies, le crime, la violence. Les démons sont déchaînés. Le crime, c'est quoi? Le Satan pousse au crime pour qu'on te tue avant que tu ne sois en règle avec Dieu. C'est pourquoi Satan pousse à tuer quelqu'un. Il ne faut pas qu'il se convertisse. Tuez-le! Donc, bien-aimé, lisez la parole de Dieu. Le Seigneur m'a mis ça à cœur ce matin, ce que je vous partage là, pendant que je faisais le ménage. L'année prochaine, les jours de demain seront mauvais. C'est la parole de Dieu qui le dit. Sa parole est la vérité. Il ne faut pas croire que demain va être meilleur. Je parle du monde. Je ne parle pas de ta situation. Je ne dis pas que Dieu ne va pas te bénir demain. Je dis le système mondial, le système sera mauvais. Il y aura beaucoup plus d'injustice. Il y aura beaucoup plus de racisme. Il y aura beaucoup plus de crimes. Il y aura beaucoup plus de violence. Les jours seront mauvais. C'est la Bible qui le dit. Mais Jésus va nous protéger. Il y aura la violence, mais Jésus nous protège. Il ne va pas nous abandonner. Mais nous, on verra et on entendra, on verra cette violence. Mais nous, on sera épargnés parce que Dieu nous protège. Dans les mains du Seigneur, personne, aucun démon, même pas le diable, ne peut venir t'arracher des mains de Jésus. Il y aura la violence. Le monde va se détruire, mais nous, on va bénéficier de la protection de Dieu. Mais pour qu'on puisse tenir face devant Goliath, Dieu nous demande de lire sa parole pour que notre foi grandisse. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Que Dieu vous bénisse.